Yeah. Le monde se bat en vrille. On fonce droit dans le mur comme Barry Kello. On veut du cash et sache qu'on mise pas sur une partie de Keno. Les jeunes menacent les hauts placés pour qu'ils n'ont pas d'estime. Dis-leur qu'il y aura toujours la guerre avec ou sans la Palestine. Dis-leur qu'on rappe mais pas pour que nos propos choquent. Si j'affûte mes textes, c'est pour dans ta tête j'ai électrochoc. Dis-leur de passer du bon son, mon cerveau sature. Les ratures sur les murs sont bien plus que nos signatures. C'est toujours la même, donc il est temps de faire tourner la roue. Si ma chance est passée, dis-moi juste et c'est barré par où. Dis-leur que j'ai mal aux pieds, à force d'aller nulle part. Dis-leur que balle aux pieds, car n'habite le but. Et même la lucarne, les chefs d'état détournent les fonds des aides humanitaires. Dis-leur qu'on adhère pas aux politiques qui puent les sanitaires. Dis-leur de pas être étonné s'ils sont les mécaos. Au cas où, tu savais pas, c'est carnage et au chaos. Faut leur dire que l'on a des droits. La France, faut lui dire qu'on n'est pas ce qu'elle croit. Ces rappeurs, faut leur dire qu'ils ne sont pas des droits. Faut leur dire des doigts ou leur mettre des droits. Quand tu vois que la justice s'éloigne, l'État, faut lui dire qu'on veut pas ses lois. Pas le beau quand la tôle n'est pas passé loin. Car 12 mois c'est long, surtout au milieu carcéral. Dis-leur laisser la place à ceux qui ont des choses à revendiquer. On emmerde la stack avec leur reprise de chansons niquées. Ça date pas d'avant-hier, ils veulent qu'on crève le bec ouvert. Va dire à ma banquière d'arrêter de m'appeler pour mon découvert. Avec nos moyens, pour réussir à coup sûr. Dis-leur qu'on veut éviter les coups durs et le sang en éclaboussure. Je veux rester sage, mais dans ma clique, y'a pas que des gars gentils. Dis à tes gars d'acheter mon scud, qu'il y a du bon sans garantie. Beaucoup parlent pour rien dire donc chut, dis-leur poster. Beaucoup donnent leur postérieur, on voit leur gueule en poster. Dis-leur que Carna reste cool, il a pas de barrier. Les jaloux veulent que je coule alors que je demande qu'à briller. Dis à mes potes que si ça marche, je les ferai croquer. Pas là pour oublier, sauf les traits qu'on voulu m'escroquer. Dis-leur que si je rappe, c'est pas pour prouver quoi que ce soit à quiconque. Vas-y, mets le son à fond, qu'à me faire entendre mon gars, y'a que ça qui compte. Faut leur dire que l'on a des droits. La France, faut lui dire qu'on n'est pas ce qu'elle croit. Ces rappeurs, faut leur dire qu'ils ne sont pas des droits. Faut leur dire des doigts ou leur mettre des droits. Quand tu vois que la justice s'éloigne, l'État, faut lui dire qu'on veut pas ses lois. Fais pas le beau quand la tôle n'est pas passée loin. Car 12 mois c'est long, surtout au milieu carcéral. Faut leur dire que l'on a des droits. La France, faut lui dire qu'on n'est pas ce qu'elle croit. Ces rappeurs, faut leur dire qu'ils ne sont pas des droits. Faut leur dire des doigts ou leur mettre des droits. Quand tu vois que la justice s'éloigne, l'État, faut lui dire qu'on veut pas ses lois. Fais pas le beau quand la tôle n'est pas passée loin. Car 12 mois c'est long, surtout au milieu carcéral. Dis-leur qu'on rappe nos vies, que les novices n'ont pas la place. Que les rapaces ont trop de vices, que le rap ça nous sert de carapace. Nos ennemis à quatre pattes se carapatent de speed. Dis-leur de bien se préparer à la rafale de style. Dis-leur qu'on rappe nos vies, que les novices n'ont pas la place. Que les rapaces ont trop de vices, que le rap ça nous sert de carapace. Nos ennemis à quatre pattes se carapatent de speed. Dis-leur de bien se préparer à la rafale de style.